Il est 13h30 et c'est l'heure d'Histoire vivante. Très bel après-midi à l'écoute de la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Les hommes sont les seuls qui développent une habileté de la main de façon aussi systématique et aussi caractérisée. Les races supérieures renferment très peu de gauchers. Au contraire, la gaucherie serait fréquente chez certaines races inférieures. Cette semaine, genre et latéralité. Dans le monde parfait, dans la cité de Dieu, auprès de Dieu, il n'y a pas de gauche. En fait, tout n'est que droite. Dieu n'est que main droite, il n'y a que de la droite, en fait, au royaume céleste. Les minorités montent au créneau. Si le monde est véritablement gaucher à l'heure actuelle parce que nous sommes dans un drame, eh bien, c'est parce que nous vivons esclaves de nos enfers. Un gaucher, lui, il préfère sa main gauche à sa main droite. La singularité des gauchers, elle est évidente, c'est-à-dire qu'on l'aperçoit tout de suite. Ils sont très habiles de la main gauche. C'est une trace de quelque chose de très ancien, très très ancien, qui parvient jusqu'à nos jours. Les traces, c'est la trace du moment où les hommes sont vraiment devenus des hommes. C'est-à-dire où les singes se sont transformés progressivement pour devenir des hommes. Le problème, c'est qu'il y a dans ce processus d'hominisation, il y a d'autres hommes, ou d'autres singes, ou d'autres hominiens, dans ce processus d'hominisation, donc, qui sont restés entre deux, qui ont choisi une voie différente. C'est-à-dire que c'est la même chose, ils se sont mis à parler, ils se sont levés, mais ils n'utilisent pas la même main. Et donc, cette connexion très étroite, ce déterminisme, je dirais, de l'hominisation, qui fait que les droitiers ont asservi le côté du langage à leur main habile, n'est pas réalisé par les gauchers. Donc ils échappent d'une certaine façon, on peut interpréter cela comme ça, à une détermination biologique. C'est plus libre, c'est une autre voie. C'est une espèce de mutation, on pourrait dire. C'est une autre forme de développement. Mais on n'a aucune preuve directe. Ce sont des preuves très indirectes. Comme je disais, le fait qu'on parle avec les mains, par exemple. Et donc, dans cette interprétation, c'est la préhistoire qui est présente, c'est le processus d'hominisation qui est présent à chaque instant parmi nous. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Eh bien, je suis Pierre-Michel Bertrand, historien français et francophone. Et j'ai travaillé un certain nombre d'années sur l'histoire des gauchers, et plus généralement d'ailleurs sur les gauchers, parce que c'est un sujet qui me passionne. Alors on me demande assez souvent, vous n'allez pas manquer de le faire, donc je vous devance. Vous allez me demander si je suis gaucher moi-même. Alors oui, je suis en effet gaucher moi-même, mais ça n'explique pas mon intérêt pour les gauchers, et j'ai coutume de dire que je connais beaucoup d'ophtalmologistes qui ne portent pas de lunettes, voilà. J'entends bien votre remarque, mais nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus loin quand nous aborderons frontalement ce sujet. J'ose quand même vous répondre que c'est tout de même parce qu'on est gaucher qu'on s'intéresse aux gauchers. Prenez la plupart des droitiers, je ne sais pas si vous en avez fait, probablement l'avez-vous fait, quelques tests autour de vous. Est-ce que franchement les droitiers s'intéressent de près ou de loin aux gauchers, à part la visite aux zoos naturelles, disons, pour distraire les enfants? Oui, quand même, faut pas ne pas caricaturer. Notamment, je connais un monsieur qui s'appelle Alain Golobardès, qui tient le site lesgauchers.com, qui est un des principaux sites, ou le principal d'ailleurs site sur les gauchers. Et à ma grande surprise, je me suis aperçu qu'il était droitier. Donc c'est un droitier qui s'intéresse aux gauchers et qui en a fait d'une certaine mesure son gagne-pain aussi. Donc voilà, pas d'ostracisme ni dans un camp ni dans l'autre, s'il vous plaît. Une exception qui, d'une certaine manière, pourrait confirmer la règle parce que, et on aura l'occasion d'en parler avec vous, Pierre-Michel Bertrand, tout au long de la semaine, il est tout de même question, avant tout, dans ce sujet, de normes. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le gaucher est stricto sensu, enfin étymologiquement sensu en tout cas, un être anormal. C'est-à-dire qu'il, en effet, il sort de la norme. Et là, d'ailleurs, de là vient tous ses problèmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas, en effet, il ne ressemble pas vraiment aux autres. Et vous savez que les majorités n'aiment rien moins que les minorités. Et donc, les gauchers ont subi, en effet, le diktat de cette majorité écrasante, dans tous les sens du terme, cette majorité droitière qui a voulu lui imposer sa façon d'être. On va aborder ce sujet dans un instant, mais restons encore sur une présentation personnelle auprès de vous, Pierre-Michel Bertrand, notamment parce que parmi vos innombrables casquettes, vous faites également, quand vous ne faites pas l'ingénieur du son pour Histoire Vivante, et on vous en remercie, des vidéos. Il vous faut nous présenter votre collection intitulée « L'art en bouteille ». À partir du moment où je l'ai découvert, j'ai invité tout de suite quelques amis à aller en prendre connaissance, et autant vous le dire, le résultat est unanime, les gens apprécient beaucoup. Alors racontez-nous cette histoire-là. Ah ben vous êtes bien aimable et merci de me pouvoir faire la promotion de cette modeste chaîne donc YouTube que j'ai créée juste pour le partage, hein, mais bien évidemment ça ne me rapporte strictement rien, mais le plaisir de partager un savoir que je détenais, que je partage justement lors de conférences, et ça fait depuis des années des conférences dans ma région, et on me dit souvent mais il faudrait mettre ça sur internet, ce serait intéressant, et puis voilà, j'ai franchi le pas un jour et en effet j'essaie de faire d'apporter pas forcément la bonne parole, un petit peu à la manière de Michel Onfray, une sorte de contre-histoire de l'art, voilà un petit peu ma vision des choses. C'est beaucoup de travail mais c'est assez passionnant et beaucoup de retours tout à fait positifs dont le vôtre. Je vous remercie beaucoup cher monsieur Leclerc. On peut en entendre tout de suite un extrait et puis on va revenir juste après avec vous pour que vous nous racontiez un peu comme ça comment ça se fabrique, des objets pareils? On vous rejoint tout de suite, Pierre-Michel Bertrand. Bonjour, bienvenue dans L'Art en Bouteille, la chaîne érudistrayante consacrée à l'histoire de l'art, 100% garantie sans catéchisme, sans langue de bois et sans goût de bouchon. Aujourd'hui, le secret des Arnolfini. Je vais en effet consacrer cette première vidéo à un tableau qui me tient tout particulièrement à cœur, le sublimissime et emblématique portrait des Arnolfini de Jean Van Eyck, conservé à la National Gallery de Londres. Il y a quelques années, j'ai démontré dans un petit livre que ce double portrait n'était en aucun cas celui des Arnolfini, comme il est admis, mais plus sûrement celui de... J'allais vous spoiler. Je disais donc, voici quelques années, j'ai démontré que ce double portrait n'est en aucun cas celui des Arnolfini, mais plus sûrement celui de, on va dire, quelqu'un d'autre, quelqu'un de très illustre. Je vous invite à mener l'enquête avec moi, je vous préviens, vous risquez d'être pas mal surpris. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, d'abord, quelques mots sur Van Eyck, le peintre du tableau, mais vraiment quelques mots, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis vous trouverez facilement toutes les infos nécessaires dans les livres ou pourquoi pas sur internet. D'ailleurs, vous ne trouverez pas grand-chose. On ne connaît ni sa date de naissance, ni son lieu de naissance, ni ses origines, ni ses relations, ni par qui il a été formé, ni à quoi il ressemblait, ni quel rôle il aura pu jouer auprès de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui lui confiait d'ailleurs des missions secrètes. On sait juste qu'il a exercé l'essentiel de sa carrière de peintre dans ce qui correspond aujourd'hui au nord de la Belgique, en région flamande, avec Bruges comme centre de gravité. Mais sa place dans l'histoire de l'art est considérable. Van Eyck, c'est LE grand maître flamand du XVe siècle, celui qui a proprement révolutionné l'art de peindre. C'est un couple qui se tient la main dans une chambre à coucher. Je précise tout de suite qu'il ne peut en aucun cas s'agir, comme on a pu le dire, d'une chambre de parement, c'est-à-dire d'une pièce de réception, comme il s'en trouvait alors dans les demeures princières. On est ici, en fait, dans une maison bourgeoise, confortable, ouais, mais sans luxe ostentatoire. Il s'agit d'une simple chambre à coucher, un lieu domestique, privé, intime, avec son lit conjugal. Poupine, gracieuse, rayonnante, elle affiche une attitude docile et pudique en même temps qu'un petit sourire malicieux des plus charmants. Elle attire clairement les regards. Lui, c'est autre chose. Un visage inexpressif, presque inquiétant, une physionomie un peu, disons, maladive, le teint cireux, les épaules tombantes, les attaches fines, cachant sa maigreur sous un épais manteau, il est d'un abord peu engageant. On ne saurait nier pourtant qu'il émane de sa personne une intensité particulière. Chose étonnante, et à ma connaissance unique à l'époque, Van Eyck a saisi par deux fois les traits de ce personnage. Il existe en effet au musée de Berlin un autre portrait de ce soi-disant Arnolfini. Thank you. Pierre-Michel Bertrand, alors comment fabrique-t-on, quand on n'est pas spécialiste, je pense tout de même que vous n'avez pas toutes les compétences du monde et que vous n'êtes pas forcément technicien vidéo, alors comment vous avez fait là ? Ben si, c'est avec les moyens du bord. Je suis quelqu'un de très scrupuleux et très perfectionniste en effet. Et on peut, avec des outils somme toute assez ordinaires, assez classiques, je parle de PowerPoint, de la suite Microsoft, on peut faire des choses assez fabuleuses pour peu qu'on y prenne du temps. C'est vrai que c'est très chronophage, nous sommes bien d'accord, mais assez passionnant de pouvoir. Moi aussi, ça m'oblige à voir les choses autrement. Si vous voulez, l'outil, vous savez, il y a toujours le problème, on ne sait pas entre qui était là le premier, l'outil ou la main. Et là, l'outil permet en effet d'aller chercher des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et c'est intéressant de proposer des conférences comme ça avec une technologie assez pointue. C'est intéressant en effet. Le fait que vous mettiez à distance en réalisant un objet vous fait penser le contenu de l'objet de manière différente. Oui, c'est cela. C'est très étrange. De toute façon, ça, c'est le principe de création. On sait très bien que l'écrivain, bien souvent, et les écrivains en témoignent, c'est le stylo qui est un peu la locomotive de la pensée. C'est très, très, très paradoxal. Mais si le stylo n'avance pas, la pensée stagne. Donc, il faut trouver une adéquation entre, en effet, l'outil qui va vous permettre d'exprimer des choses qui étaient en dormance en vous, et c'est assez étrange, mais je crois que c'est le processus créatif. Il en va de même pour les peintres. Un artiste, tant qu'il n'a pas pris un pinceau, n'est pas un artiste. C'est bien connu. Cet intérêt, cette compétence, Pierre-Michel Bertrand, dans le domaine de la peinture, alors que vous disiez que vous êtes historien de formation, est-ce qu'il faut y ajouter historien de l'art ou bien comment ça s'est fait pour vous ? Mon diplôme, c'est un doctorat d'histoire de l'art, historien d'art de formation. Et justement, donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, mon intérêt pour les gauchers, en fait, est consécutif à une thèse que j'ai faite sur la symbolique médiévale, une symbolique de la droite et de la gauche, où je me suis aperçu pendant des années pendant lesquelles j'ai travaillé sur le sujet, où c'est une thèse, est un parcours initiatique très long. Et je me suis aperçu, pour avoir tout dépouillé, des monceaux de documents, de documentation et d'archives, qu'en fait, on ne savait rien sur l'histoire des gauchers. Voilà. Qu'est-ce qu'il advenait d'un gaucher au Moyen-Âge, par exemple ? Il n'y avait la réponse nulle part, mais absolument nulle part. Ça m'a beaucoup intrigué. Ce n'était pas le sujet de ma thèse, mais je me suis promis, au sortir de ma thèse, de gratter un petit peu ce sujet. Et j'ai mis de la documentation de côté, et puis voilà, puis de fil en aiguille, voilà, je me suis intéressé à ce sujet, qui est un sujet passionnant. C'est un sujet en or pour un chercheur. C'est vraiment un sujet en or, quoi, parce que ça recoupe énormément de disciplines. L'histoire, la sociologie, la religion, le symbolisme, tout ça, ce sont des disciplines qui me sont un peu familières, mais également des disciplines pour lesquelles je n'ai aucune formation, mais il a fallu que je m'y intéresse. Et les neurosciences, la génétique, la démographie, la psychologie, bon, des choses. Et donc c'est vraiment un sujet en or, inépuisable, par définition inépuisable. Et voici combien de temps que vous y travaillez ? Alors, pour tout vous dire, il y a quelques années que je n'y travaille plus vraiment. Je suis passé à autre chose, mais j'y ai bien passé une bonne quinzaine d'années de ma vie. Oui, quinzaine d'années, oui, et avec quelques livres à la clé. Bonjour, bienvenue dans L'Art en bouteille, la chaîne érudistrayante consacrée à l'histoire de l'art, garantie sans langue de bois, sans catéchisme et sans goût de bouchon. Aujourd'hui, le plus beau tableau du monde. Bon, évidemment, le plus beau tableau du monde, c'est un titre un peu absurde. Contrairement à, je ne sais pas moi, un 110 mètres haut, voilà, où c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée qui gagne, on discute pas, eh bien, dans le domaine de l'art, pas facile, vous l'imaginez bien, de trouver un champion. Ici, tout est affaire de goût personnel, de ressenti, d'émotion. Bref, vous aurez compris que je vais parler uniquement pour mon cas personnel. Donc, attention, mon tableau le plus beau du monde, le voici. Pas mal, hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ce tableau est conservé au musée des Beaux-Arts de Caen, dans le Calvados. C'est une huile sur toile de taille modeste qui représente un berger avec ses moutons dans un joli paysage. Je vais vous expliquer dans quelques instants en quoi c'est non seulement magnifique, mais absolument génial. Son auteur, c'est François Boucher, un peintre français du XVIIIe siècle qui appartient au mouvement rococo. Boucher, c'est celui qui incarne sans doute le mieux le caractère frivole et élégant de la vie de cour sous Louis XV. Boucher, c'est le favori de la Pompadour, avec tout ce qu'il peut y avoir de péjoratif dans cette appellation. Mais Boucher, on va le voir, c'est beaucoup, beaucoup mieux que ça. Bon, comme vous le constatez, la pastorale du musée de Caen, que je considère, je le rappelle, comme le plus beau tableau du monde, se distingue de la production ordinaire. Boucher ne représente pas, comme il en a l'habitude, un couple en train de roucouler sous un arbre, mais un berger, tout seul, qui nous tourne le dos, ce qui est d'ailleurs très rare en peinture. Ce berger contemple le paysage qui s'offre à lui comme s'il était fasciné par cette majestueuse trouée lumineuse qui s'ouvre dans le ciel. Notre berger vient de faire une halte au milieu de vestiges d'un improbable palais antique envahi par la végétation. Je dis improbable car il ne vous aura pas échappé que cette scène n'est pas vraiment réaliste. On est là, et comme toujours chez Boucher, dans un cadre paradisiaque fantasmé, quoi. Parmi les ouvrages, il y a eu un dictionnaire des gauchers, que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir dans les mains, mais je me suis évidemment interrogé, que peut-on trouver dans un dictionnaire des gauchers? Si vous aviez peut-être quelques exemples, parce que je n'ai pas réussi, à part deux, trois évidences et lieux communs, à me représenter comment on pouvait aller jusqu'au dictionnaire avec ce que ça suppose comme... nombre de pages. Oui, alors bon, c'est un petit dictionnaire, mais alors, comme je vous le disais à l'instant, le sujet de la gaucherie, le sujet des gauchers, un sujet vaste, complexe, qui ressortit à divers domaines. Pierre-Michel Bertrand, historien. Alors c'est un peu difficile de s'y retrouver, à moins d'écrire une somme, et donc l'avantage du dictionnaire, c'est de pouvoir classer, un petit peu agencer à sa façon, mettre un peu d'ordre dans la profusion. Donc il y a plusieurs entrées, bah écoutez, je l'ai là, ça va de Adam et Ève à sexe, en passant par tabac, zoologie, Z comme zoologie, et c'est-à-dire diverses entrées, et vous savez l'avantage du dictionnaire, je suis un amoureux des dictionnaires, ça permet de picorer, plutôt qu'une approche très linéaire, comme ça, et en profondeur d'un sujet, le dictionnaire, on ouvre une page un petit peu au hasard, et puis on fait une découverte. Vous ouvrez un dictionnaire n'importe où, c'est toujours la surprise, c'est un peu le mal au trésor, un dictionnaire. Et je trouvais que ça convenait bien au sujet des gauchers, qui est un sujet tellement vaste, tellement miroitant, tellement kaléidoscopique, que voilà, le dictionnaire rend bien justice à ce sujet. Alors j'ai reçu finalement votre bouquin, je l'ouvre à n'importe quelle page, non pas tout à fait n'importe quelle page, je vais aller voir ce que il y est défini au terme sexe. Alors quand vous dites sexe dans le dictionnaire des gauchers, je n'arrive absolument pas à réaliser ce qu'il peut y avoir, qu'y a-t-il ? Alors attendez, vous me posez une colle, je me souviens plus. Est-ce que j'ai des choses à sexe ? Sexualité, effectivement, où je parle de l'onanisme notamment, ou un certain auteur, dont j'ai oublié le nom, mais je pense qu'il vaut mieux oublier le nom de ce monsieur, nous explique que voilà, la gaucherie est une sorte de tare, de vice qui entraîne à d'autres vices, d'autres tares, dont l'onanisme qui nous fait des éclopés, des rachitiques, des bégayants, des tremblotants, des gâteux, des courbés, des baveux, des inconscients, des dépravés avant l'âge, etc. Et tout ça à cause de la main gauche, puisque nous sommes bien d'accord que seule la main gauche est capable de ses déviances et de ses basses besognes. les races supérieures renferment très peu de gauchers. Au contraire, la gaucherie serait fréquente chez certaines races inférieures. La gaucherie est plus fréquente chez le sexe féminin que chez le masculin. Beaucoup d'idiots sont ambidextres ou gauchers. Beaucoup d'épileptiques sont gauchers. Conclusion, dans l'espèce humaine, l'évolution va de la gaucherie à la droiterie, qui caractérise les individus supérieurs. Docteur Gaëtan Delaunay, 1882, étude de biologie comparée. Pierre-Michel Bertrand, nous sommes avec vous aujourd'hui et tout au long de la semaine pour parler des gauchers, et ceci grâce à plusieurs ouvrages que vous avez fait paraître il y a quelque temps déjà. Vous nous l'avez confié dans la première partie de l'entretien, Dictionnaire des gauchers et puis Histoire des gauchers. C'est celui sur lequel j'ai travaillé, et en reprenant des chiffres, même si ceux-ci sont peut-être à remettre dans le contexte actuel, vous écrivez d'année en année, les gauchers sont toujours plus nombreux. L'estimation voudrait environ 2 personnes sur 10, soit quelque 90 millions pour la seule communauté européenne. Est-ce que, bien que votre ouvrage date d'il y a une quinzaine d'années, on peut estimer que la proportion n'a guère varié ? Alors la proportion n'a pas varié, mais par contre le nombre a forcément augmenté, puisque aujourd'hui on est près de 740 millions d'habitants en Europe. Donc si on est aux alentours de 20%, on serait plutôt entre, voilà, plus près de, enfin au-delà de 100 millions, de donner à 100, entre 100 et peut-être 150 millions. Mais vous savez, c'est très variable, hein. 20% de gauchers, c'est une estimation haute. Une estimation plus raisonnable nous situe plutôt aux alentours de 15%. Pourquoi un tel flou? Pourquoi une telle imprécision, indécision quant au nombre de gauchers? En fait, ça dépend de l'âge. Chez les enfants, on a en effet plutôt 20% de gauchers, mais chez les personnes âgées, on tombe quasiment à 0%. Enfin, si vous connaissez un homme de 90 ans gaucher, vous me faites signe, ils sont très, très rares. Ça dépend du sexe. On sait qu'il y a plus de garçons gauchers que de filles, hein. C'est à peu près 6 garçons pour 4 filles, c'est à peu près de cet ordre-là. Ça dépend aussi des pays. On peut passer du simple au double, au triple, voire au quadruple, hein. Il y a des pays libéraux, démocratiques, qui laissent la gaucherie prospérer. Et puis il y a des pays un petit peu plus dictatoriaux, on va dire, qui se targuent d'avoir 2-3% de gauchers encore aujourd'hui, hein. Et ça dépend, alors ce qui est très curieux, ça a été une de mes découvertes lors de mes recherches, ça dépend dans un même pays, ça dépend des régions. Par exemple, il y avait une étude qui avait été faite au début des années 70, autant que je me souvienne, où on s'apercevait que en France, on pouvait passer du simple au double. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, la plus grosse concentration de gauchers, elle va d'une ligne, grosso modo, qui va de Strasbourg à Rouen, hein. Là, on a vraiment une forte proportion de gauchers, et la Haute-Normandie a quelque chose comme 20% de gauchers, enfin avait, en tout cas dans les années 70, une proportion de 20% de gauchers. Et à contrario, des régions comme la Bretagne, l'Auvergne, avaient très peu de gauchers, deux fois moins. Donc vous voyez, même au sein d'un même pays, avec une même civilisation, une même éducation, des mêmes mœurs, ou peu s'en faut, eh bien on peut passer du simple au double. Et puis, bien évidemment, ça dépend à quel moment on examine la chose, parce que aujourd'hui, en effet, on serait aux alentours de 15%. Si vous avez mis votre loupe au début du siècle, on était à moins de 5%, hein. Et il est possible que dans 20 ans, hein, vous savez que l'espèce humaine est en constante évolution, hein, par exemple, les personnes qui mesurent 1m90 étaient très rares, elles étaient quelque chose comme 2% de la population il y a simplement une cinquantaine d'années, hein. Aujourd'hui elles sont extrêmement fréquentes, donc voilà, il peut très bien y avoir plus de gauchers plus tard. J'avoue que ce sont des choses, moi, qui m'échappent complètement, mais on peut en effet le constater et l'attendre. Et au-delà du constat, arrive-t-on à saisir, à comprendre ce qui, par exemple, dans un même pays, à région différente, il y aurait si grande différence de proportion de gauchers dans le groupe humain? En tout cas, pas à ma connaissance, c'est un des grands mystères. Mais de toute façon, la question gauchère est entourée de mystères. D'ailleurs, on ne sait même pas trop pourquoi il existe des gauchers. Donc, vous voyez, de là à expliquer pourquoi ici, il y en aurait plus qu'ailleurs. Alors, l'étude dont je vous parlais des années 70, l'étude démographique, quand même, faisait le constat assez troublant que l'Auvergne et la Bretagne avaient, au niveau géologique, avaient de grandes similitudes. Voilà, est-ce qu'il y a un rapport entre la latéralité et le sol natal, enfin, la composition du sol, la géologie? J'ai du mal à m'en persuader. Par contre, il y a ce que les sociologues appellent l'effet switching, c'est-à-dire qu'il y a un biais social. Hein, c'est-à-dire qu'une société permissive va bien évidemment favoriser l'épanouissement des gauchers. Les démocraties occidentales, hein, et notamment anglo-saxonnes, les États-Unis, Angleterre, et puis après l'Europe, et puis des pays un petit peu en queue de peloton, c'est plutôt les pays asiatiques, les pays de l'ancien bloc soviétique, vous voyez, quand on parlait de dictature, hein, et puis le monde musulman en général, où la main gauche fait l'objet encore d'un grand tabou, et ne favorise pas en effet son utilisation, donc l'épanouissement de ceux qui sont naturellement portés à utiliser la main gauche. Hein. Les gens de la droite et les gens de la gauche, dont les gens de la droite sont dans le paradis. Alors les gens de la gauche sont peut-être marginalisés, sinon maltraités, punis par Allah. Mais en tout cas la main droite reste signe de bien, signe de prospérité, signe de gain, signe de bénéfice, et la main gauche reste dans le sens un petit peu secondaire. Même en se lavant, en appliquant l'ablution, on touche avec la main gauche, tandis que la main droite donne l'eau. L'autre lave. J'ai mon frère qui est gaucher. Alors, il commençait à manger avec la main gauche. Ma mère, que Dieu ait son âme, parce qu'elle est déjà morte, et lui dit, ne mange pas comme un shaitan, un diable. Qu'est-ce que c'est qu'un gaucher? Dans cette conception très manichéenne de la droite et de la gauche, c'est quelqu'un qui préfère en fin de compte le mal au bien, c'est un adepte du mal. En tout état de cas de cause, c'est quelqu'un qui met un petit peu en péril les équilibres de la société, une société droitière, qui vient un petit peu à l'encontre de cet idéal de vie que constituait symboliquement la main droite. Pierre-Michel Bertrand, auteur du livre « Histoire des gauchers, des gens à l'envers ». Pierre-Michel Bertrand, une toute dernière question pour conclure cette journée. À titre personnel, pas forcément à l'historien, mais à l'être, avez-vous le sentiment, ou avez-vous pu avoir dans votre vie le sentiment d'appartenir à une minorité? Oui, enfin plus exactement, et j'ai cru comprendre que vous étiez gaucher aussi, vous avez peut-être confirmé cela, un sentiment de différence en fait très fort, très très fort, que j'ai du mal à accepter d'ailleurs, que j'ai du mal à m'en rendre compte véritablement. En fait, être gaucher, c'est dès le départ être capable de faire des choses et susciter, moi pour mon cas c'était l'admiration plutôt, hein, parce que voilà, et c'est-à-dire que il se trouvait que enfant je dessinais plutôt bien, mais bon, pas, j'étais pas Léonard de Vinci, hein, mais voilà, je dessinais plutôt bien, et j'entendais autour de moi les commentaires, mais j'ai entendu ça tout le long de mon enfance, dire comment il fait pour bien dessiner avec sa main gauche, vous voyez. Et donc, forcément, enfant, on ne comprend pas. Moi, ma main gauche, c'était ma bonne main. J'aurais été incapable de dessiner de la main droite. Mais voilà. Mais il suffisait que je prenne ma main gauche pour faire quelque chose. On me disait, ah là là, qu'est-ce qu'il est doué. Et donc, ça crée un sentiment quand on est enfant, parce qu'on ne saisit pas bien les tenants, les aboutissants de tout ça. Ça crée un sentiment de différence. Alors, ça peut créer un sentiment de supériorité chez certains. Ça n'a pas été mon cas, mais j'en connais, qui sont très imbus de leur personne et très fiers de leur gaucherie, alors que bon, ils n'ont rien fait pour, hein. En tout cas, ça crée un sentiment de différence. C'est vraiment l'impression d'appartenir à une famille un petit peu à part. Et encore aujourd'hui, à mon âge, j'ai 57 ans, j'aime bien les gauchers parce que c'est un peu mes cousins. Il y a quelque chose en commun. C'est assez indéfinissable, mais c'est très clair. C'est très clair. Pierre-Michel Bertrand, on se retrouvera demain pour une deuxième émission. Celle-ci est d'ores et déjà intitulée, et on verra bien pourquoi, « Par-delà le bien et le mal ». À demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.